Amen. We are going to continue with our message, which is character. Es geht weiter mit unserer Botschaft über die Natur. Und wir continuieren mit dem Message über Charakter. The character of Christ. Die Natur von Jesus Christus. Die Natur de Christ. And we also know the character of man. Wir kennen auch die Natur der Menschen. Et on connaît le caractère de l'homme. But we are to learn the character of Christ. Aber wir sollten die Natur von Christus kennen. Man doit apprendre de connaître le caractère de Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Remember, there are two worlds on earth. Erinnert euch, dass es zwei Welten auf dieser Erde gibt. Rappelez-vous qu'il y a deux mondes dans ce monde. You are born into this natural world. Wir sind geboren in dieser natürlichen Welt. Wir sind unsere natürlichen Eltern. Et nous sommes nés dans le monde naturel par notre parent. And as a result, you have a body. Und das Resultat davon ist, dass du einen Körper hast. Et par résultat, tu as un corps. Your body gives you authority to choose Christ or to reject him here on earth. Dein Körper gibt dir die Autorität, Christus zu wählen oder ihn zu verweigern hier auf Erden. Ton corps te donne l'autorité de choisir Christ ou de refuser de le choisir. And once you come to Christ, you have another birth. Wenn du aber zu Christus kommst, hast du eine neue Geburt. Et quand tu viens chez Christ, vers Christ, là, tu es né de nouveau. You will be born into Christ's world. Du wirst dann in die Welt von Christus geboren. Tu vas être né dans le monde de Christ. By the Spirit, by Christ himself. Durch Christus selbst, durch den Geist. Par l'Esprit et par Christ lui-même. Just like Jesus said in John 3, verse 6. Let's just go to John 3, verse 6, please. Johannes 3, verse 6. Jean 3, verse 6. He said, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Ce qui naît des parents humains est humain. Ce qui naît de l'esprit de Dieu est esprit. Praise the Lord. Amen. If you are born, you know, to be born into this world by your natural parents is born by flesh. Du bist, you are born of the flesh. Du bist geboren aus dem Fleisch, weil du geboren bist aus deinen Eltern. Tu es né par la chair parce que tu es né de ton parent. To be born into Christ's world is, it means you are born of the Spirit. Aber in die Welt von Christus hineingeboren zu werden heißt aus dem Geist geboren zu werden. Et être né dans le monde de Christ, ça veut dire que tu es né par l'Esprit. Just like John 1. John 1. If you go to John 1. Johannes 1. Jean 1. Praise the Lord. Amen. From verse 12. He said, but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God. Even to them that believe on his name. Verse 13. Which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Praise the Lord. Alléluia. Jean 1, verset 12. Pourtant certains l'ont reçu et ils croient en elle. À cela, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ils sont devenus enfants de Dieu en naissant non par la volonté d'un homme et d'une femme, mais de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. In John 15, verse 16, Jesus said, you have not chosen me, but I have chosen you. In Johannes 15 sagt Jesus Christus, dass nicht ihr mich gewählt habt, sondern ich euch gewählt habe. Dans Jean 15, verset 16, Jesus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. And Revelation 3:20 said, he is at the door knocking. Und let's go to Revelation 3. Steht, dass er an der Tür steht und klopft. Et dans Apocalypse 12, il dit aussi qu'il frappe à notre porte. John 15:6 said, you have not chosen me, but I have. I am the one that chose you. In Johannes 15:6 steht das. 15, 16 steht, dass nicht wir ihn erwählt haben, sondern er uns. Amen. Et dans Jean 15, on a écrit que c'est Dieu qui nous a choisi, pas nous. It is true. Und das stimmt. He is the one at the door, knocking. Er ist derjenige, der an der Tür ist und klopft. Et c'est vrai, c'est lui qui est à la porte et entre les frappes. Like Revelation 3:20 said, he said, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come in to him and will sup with him and he with me. Amen. Apocalypse 3:20. Voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et il mangera avec moi. Praise the Lord. Hallelujah. If anyone hear his voice and open. Mommy, wo war das nochmal genau? Offenbarung? Revelation 3:20. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Revelation 3:20. Offenbarung 3:20. Are we there, please? Mm-hmm. He said, behold, I stand at the door and knock. Ich stehe an der Tür und klopfe an. Je me tiens à la porte et je frappe. And he's not just only knocking. He's er klopft nicht nur an, sondern er spricht auch. Il dit, il ne frappe pas seulement, mais il parle aussi. And he said, if any man hear my voice, that alone will tell you that he says something. Allow me to come in. Das heißt, er sagt, dass wenn irgendjemand auf meine Stimme hört, mir nämlich aufmacht und zulässt, dass ich reinkomme. Et il dit aussi, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Ça veut dire que Jésus-Christ parle directement. He said, and open the door. I will come in to him and we sup with him and he with me. Amen. Amen. Verset 20, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et il mangera avec moi. If anyone hear his voice, wenn irgendjemand seine Stimme hört, and open, und öffnet, he will come in. Wird er reinkommen? Mm-hmm. Si quelqu'un entend sa voix, et il ouvre aussi la porte, là Jésus-Christ va entrer. Praise the Lord. Hallelujah. We are to hear his voice. Du sollst seine Stimme hören. Et tu dois écouter sa voix. Amen. Amen. Amen. The Bible says faith cometh by hearing. Der Glaube kommt durch das Hören. La foi vient par écouter. Hearing by the word of Christ. Das Amen. Wort, das Wort Amen. Von Christus hören. Et écouter la voix, la parole de Dieu. You are to hear his voice. He's there knocking. Wir sollten seine Stimme hören, denn er ist da und klopft. It means without his knocking, without his voice, you cannot even open. Das heißt, ohne seine Stimme, ohne sein Klopfen kannst du nicht mehr öffnen. Et sans sa voix, puis sans qu'il est entre les frappes, tu n'es pas capable à ouvrir la porte. Without his voice, you cannot hear him and open for him to come in. Denn ohne seine Stimme kannst du ihm gar nicht hören und die Tür öffnen, damit er reinkommt. Parce que sans sa voix, tu n'es pas capable d'ouvrir la porte. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. You allow him to come in. Tu laisses tout, laisse reinkommt. Tu laisses qu'il entre dans ta porte. Before he can anoint you and ordain you. If you go to John 15, verse 16. Please go there, please. Jean 15. John 15, verse 16. Jean 15, 16. Jean 15. Vers 16. Johannes 15, Vers 16. Talks about anointing and ordain. Da geht's um die Salbung. He said, you have not chosen me, but I have chosen you and ordained you. And that you should go and bring forth fruit. And that your fruit should remain fruit. The fruit of the Spirit. Die Frucht des Geistes. And not the natural fruit, not what religion calls fruit. Nicht die natürliche Frucht. Is somebody getting something here? Amen. Amen. Amen. What Christ called fruit. Was Christus fruit. You know, can you say this? Yeah. Okay. Ici dans verset 16, Jésus-Christ a dit que c'est lui qui nous a choisi. Donc ça veut dire aussi qu'il a nous donné l'onction pour aussi produire des fruits. Praise the Lord. Alleluia. In this verse 15, verse 16, there are a lot of things here. Amen. He said that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. That whatsoever you ask, you shall ask of the Father in my name, he may give it to you. You see it? Your fruit, through your fruit, you have his will. Durch eure Frucht habt ihr seinen Willen. Are you getting something? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Dans la deuxième partie du verset. Praise the Lord. Hallelujah. Dans la deuxième partie du verset 16, il dit, je vous ai envoyé produire de fruits et de fruits qui durent. Ainsi, mon Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez et en mon nom. Donc ici, Jésus-Christ dit que si nous produisons des fruits, là, il va aussi nous donner notre volonté. Amen. Amen. You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai envoyé de produire des fruits et des fruits qui durent. It took me years to know that what he called fruit is different. It's not the same as what this world calls fruit. Es hat mich Jahre gekostet zu verstehen, dass das, was Frucht nennt, nicht das gleiche, was die Welt Frucht nennt. Et ça m'a pris beaucoup d'années pour comprendre que ce que Dieu appelle de fruits, c'est différemment comparé avec ce que le monde appelle fruits. You know, all the time it was, you know, in religious churches, it was, you know, the fruit. How many cars do you have? How many houses? How many children? Count your blessing and name them one by one. Mm-hmm. It's all about the flesh. In the world, immer das Fleisch, Besitz, Reichtümer. Et surtout dans les églises religieuses, tes fruits sont par exemple les voitures, la maison, tes enfants, donc des choses de la chair. Are you sick or healed? Are you, you know, do you have any problem? You know, that is what they call fruit. Are you getting it? Pour eux, les fruits sont par exemple si tu es malade ou si tu es guéri. Amen. You have somebody that is going to marry you. Is your marriage perfect? Is your marriage good? You know that things working for you. That is what they call fruit. Hast du einen Verlobten oder bist du in einer vernünftigen Ehe? Das nennen sie Frucht. Et ils vont te demander si tu as un fiancé ou bien si tu es marié, si tout va bien dans ton mariage. Are you able to make, you know, your education? Are you, do you, how many degrees do you have? You know what they call fruit? Das nennen sie Frucht. About children. Are you getting it? Et leurs fruits sont aussi, par exemple, l'éducation ou tes enfants, combien d'enfants tu as? You know, Galatians 5, 22 and 23 reveal the fruit of the Spirit to us. In Galater 5 wird uns die Frucht des Geistes offenbart. Et dans la lettre aux Galates 5, verset 25, c'est là où on apprend ce que sont les fruits de Dieu. There's nothing like house, children, you know, money, account. And there's nothing like, you know, because you can have those things and not even the love of Jesus, the joy of the Lord, the peace of the Lord, every, you know, the joy, the fruit of the Spirit, God kind of love, God kind of joy, God kind of peace. Weil du kannst diesen ganzen Besitz haben, weil dennoch hast du nicht die Frucht von Jesus Christus, die wir in Galater 5, 22 bis 23 sehen. Donc ça veut dire que tu peux avoir par exemple les voitures et les enfants, l'éducation, mais si tu n'as pas le fruit du Saint-Esprit, là tu as rien. You know, having children, having money, having houses, cars, no properties in this world, it can give you some joy. Mm-hmm. But what this world called joy? Natürlich, diese Frucht dieser Welt kann dir keine Freude und Frieden geben, aber Das ist eine, einfach nur eine Frage der Zeit. It's temporary. Das ist zeitlich. Tu peux avoir la voiture, des enfants et une maison, mais et ces choses-là aussi te donnent la joie, mais la joie là est vanité. You know Jesus in 1 Peter, he said the glory is like a grass. Jesus sagt in 1. Petrus, dass die Herrlichkeit der Menschen wie Gras ist. Et Pierre explique que la couleur de l'homme c'est comme une fleur. Praise the Lord. Hallelujah. If you go to 1 Peter, go to 1 Peter, please. It's interesting. Let us go there. 1 Peter 1. 1 Petrus 1. Verse 24. He said, for all flesh is as grass, and the glory of man is as the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Then in verse 25, now talk about the fruit of the Spirit. In 25 geht es dann um die Frucht des Geistes. Are you there? He said, for the word of the Lord endureth forever. The fruit of the Spirit is forever. Das Wort aber des Herrn, das bleibt für immer. Das ist die Frucht des Geistes. 1 Pierre 1, verset 24 jusqu'à 25. Tous les êtres humains sont comme l'herbe, et tout ce qui les rend importants est comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur dure toujours. Cette parole, c'est la bonne nouvelle qu'on vous a annoncée. Amen. Amen. Nothing can take God kind of joy, peace away from you. Nothing can die Freude von Christus dir wegnehmen. Et rien peut détruire la joie du Seigneur dans ta vie. If you allow His love, His joy, His peace to be your joy, your peace, nothing can take it. Mm-hmm. Wenn du zulässt, dass seine Freude deine Freude ist, es kann niemand dir wegnehmen. Amen. Si la joie et la paix du Seigneur est ta propre joie, la personne peut te confisquer ces choses. Praise the Lord. Alléluia. Go to John 15 verse 16 again. You have not chosen me, but I have chosen you. Amen. And ordained you. And you should go and bring forth fruit. And that your fruit should remain. You know, without fruit, people want to have to see the victory of the Lord in your life. Johannes 15, 16. Ohne Frucht wollen Leute die it's not der possible. Welt sehen, aber es funktioniert nicht. Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai envoyé produire des fruits et des fruits qui durent. Ainsi, mon Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Donc ici, ça montre aussi qu'on ne peut pas avoir de bons fruits sans Jésus-Christ. One thing with Christ is that he have character. Eine Sache, he have principles. Christus hat Prinzipien. Jésus-Christ hat des Prinzipien. You cannot change his character. Du kannst seine Natur nicht ändern. Et tu peux pas changer. His nature. Tu peux pas changer son caractère ou sa nature. You can do nothing against the truth, but for the truth. Du kannst nichts gegen you die cannot Wahrheit, change it. Nur für die Wahrheit. Et tu peux faire rien contre la vérité. Tu peux être seulement pour la vérité. People want to fast and pray. They want to do all night upon all night. They never sleep. They want to, you know, he has his own principles. Er hat seine eigenen Prinzipien. Leute wollen fasten und beten, um Dinge zu tun und auf die Beine zu stellen. Aber der Herr hat seine Prinzipien. Jésus-Christ a ses principes et le monde ici, il veut toujours, ça se fasse normal. Praise the Lord. Jeûner pour changer sa nature. You have to bear fruit. Du musst Frucht bringen. Et tu dois produire. His own kind of fruit. Seine Frucht. Tu dois produire ses fruits. Not what your pastor called fruit. Nicht das, was dein Pastor Frucht nennt. Et pas ce que ton pasteur appelle fruit. Amen. Amen. Not what you know what your denomination called fruit, but what Christ called fruit. Nicht das, was Lehren Frucht nennen, sondern das, was Christus Frucht nennt. Et pas ce que la religion appelle le fruit, mais ce que Jésus Christ appelle le fruit. It's not just bearing fruit alone. He said your fruit should remain. Nicht nur Frucht bringen, sondern Frucht zu bleiben. Es ist important, que tu ne produis pas seulement des fruits, mais que tu puisses dur aussi. That fruit continue toe. You know, it remains. It's not, that's why it's not visit. It's living. You live there. You live in Christ's world. Du lebst im Königreich von Christus. Dans le monde de Christ, tu ne visites pas, mais tu vis dans ce monde. Praise the Lord. Hallelujah. That whatsoever you shall ask. You know, people want to ask. They want to ask. They are asking and asking and asking. Leute, bitten. For them, it's all about asking. Ihnen geht es immer nur um das Fragen. Asking God to do one thing or the other for them. Sie fragen ständig Gott, etwas für sie zu tun. Il y a beaucoup de gens qui demandent toujours Dieu à le faire quelque chose. Donc dans leur prière, c'est seulement demander. They want to see manifestation. Sie wollen die Manifestation sehen. Ils veulent voir la manifestation. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. They ask, you know, he hear you, but you are the one not hearing him. He always hear you. He hear your voice all the time. Der Herr hört dich immer, wenn du sprichst, aber hörst du ihn, wenn er spricht? Quand tu parles, c'est Dieu qui t'écoute, mais c'est toi qui n'écoutes pas Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. He said, you ask the Father in my name, he may give it to you. In meinem Namen fragt er. And not in your own name. Und nicht in deinem eigenen Namen. Et quand tu demandes Dieu quelque chose au nom de Jésus-Christ, là, il va te donner ça, mais pas dans ton nom. And not in your pastor's name. Nicht im Namen seines Pastors. In Nigeria, they use pastor's name to pray today. Nigeria, the God of this pastor will do it for me. Au Nigeria, par exemple, on prie au nom du pasteur au lieu au nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. They use pastor's name to pray. Sie nutzen die Namen der Pastoren, um zu beten. Il utilise le nom du pasteur pour prier. Jesus said in my name. Jesus sagt in meinem Namen. Mais Jésus-Christ a dit à mon nom. You know Paul, how great he, you know, he was so great. Paulus war so groß. He is still great. Und er ist immer noch great. How great he was. He knew he was so great. But he never allow them to use his name to pray. Because it's not about him, it's about Christ. Jemand in seinem Namen betet. Paul, par exemple, il était un homme très grand, mais il n'a pas laissé les autres disciples prier à son nom, parce que c'est au nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Don't pray in my name, please. Bitte nicht in meinem Namen. I am not the one that died for you. Ich bin nicht derjenige, der für dich gestorben ist. Ich ne veux pas aussi que vous priez à mon nom, parce que c'est pas moi qui mourir pour vous. Praise the Lord. Hallelujah. Let's give glory unto him. Lass uns ihn ehren. Amen. Amen. Amen. Everything was made by him and for him alone. Und alles wurde für ihn und von ihm gemacht. Amen. Amen. Glorifions le nom de Jésus-Christ, parce que tout a été créé par lui et pour lui. Praise the Lord. Hallelujah. To anoint, to ordain. You allow him to come in before he can ordain you. Du lässt zu, dass er reinkommt, bevor er dich salben kann. Pour que Dieu te oint, tu dois laisser d'abord, tu dois d'abord ouvrir la porte pour qu'il entre. Praise the Lord. Hallelujah. He revealed to us our character before he left. Er hat uns seinen Charakter offenbart, bevor er gegangen ist. His own character. He revealed to us his own character. What should be our character before he left? Er hat uns seine Natur offenbart, bevor er gegangen ist. Avant qu'il a quitté le monde, il a nous révélé son propre caractère pour que ça devienne aussi notre caractère. Amen. Amen. In John 14. Let us go to John 14. Jean 14. From verse 20 to 24. Vers 20 bis 24. Verse 20 à 24. He said, at that day you shall know that I am in my Father, and you in me, and I in you. Amen. Amen. You know that this makes Jesus different. Und das macht Jesus anders. He separates him from religion. Es trennt ihn von Religion. He said, I will be in you. Ich werde in euch Muhammad sein. Never said, I will be in you. Muhammad hat nicht gesagt, dass er in euch sein wird. But Jesus said, I will be in you. Aber Jesus sagt, ich will and in you will sein. Be in me. Ihr werdet in mir sein. Are you getting something here? It means, you know, Jesus is either the true God or a liar. Amen. Amen. Jean 14, 14:20, ces jours-là, vous comprendrez que je vis dans mon Père, que vous vivez en moi et moi en vous. Donc ici, Jésus-Christ montre qu'il est, différent comparé avec les autres hommes qui sont religieux, parce que Jésus-Christ nous dit qu'il vit en nous, et c'est, il y a personne qui vit en nous, même pas Mohamed ou bien une autre personne. Look at all the religious leaders, our founders. Amen. The founders, you know, just look at them. Know what they say. I am in the Father, and the Father is me. Guckt diese ganzen religiösen Leute an, aber sagt niemand, ich bin im Vater und der Vater ist mir. Par exemple, regardez aussi les créateurs religieux. Personne ne dit que Dieu est en lui, que Dieu vit en lui, puis lui il vit en Dieu. Amen. Amen. They always say go to God. Ils sagen immer, geh zu Gott. Ils disent toujours va vers Dieu. But Jesus said, come to me. Jesus said, come to me. Mais Jésus dit, viens chez moi. Praise the Lord. Alléluia. Because I am God. Ich bin Gott. Come to me. Komm zu mir, sagt er. Parce que moi je suis Dieu, c'est ça, venez chez moi. No one dare say, come to me. Always they say go to God, go to God. They know that they are not God. Go to God. But Jesus said, come to me. Niemand von ihnen sagt, komm zu mir, weil sie wissen, dass sie nicht Gott sind. Come on to me, all you that labor. Aber Jesus sagt, komm zu mir, all die ihr mühselig beladen seid. Aucun homme religieux a dit venez chez moi parce qu'ils savent qu'ils sont pas Dieu, mais ils disent toujours partez vers Dieu. I don't know how people can leave Jesus and go through other way. Ich verstehe nicht, wie Leute Jesus verlassen können und andere Wege nehmen. Ich verstehe nicht, comment les gens peuvent quitter le chemin de Jésus-Christ pour suivre un autre homme. He said, at that day you shall know that I am in the Father, in my Father, and ye in me, and I in you. He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. And he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him. Verset 21. Si quelqu'un connaît mes commandements et leur obéit, il m'aime vraiment. Mon Père aimera celui qui m'aime, et moi aussi j'aimerai celui qui m'aime, et je me montrerai à lui. Praise the Lord. Amen. Let us read it to 24. Amen. Judas said unto him, not Iscariot, Lord, how is it that thou wilt manifest yourself unto us and not unto the world? No one, no. That is why he is a mystery. He needs to be revealed. Vers 22. Da geht es darum, dass er halt sagt, dass er ein Geheimnis ist. Er muss offenbart werden. Verset 22, Jude, qui n'est pas Judas Iscariot, dit à Jésus, Seigneur, tu dois te montrer à nous et pas au monde. Pourquoi? Donc ici, ça montre que Jésus-Christ a eu un mystère. You know, no wonder he gave us the Spirit, the Holy Spirit, the Spirit of Revelation. Den Geist Offenbarung gegeben hat. Et pour ça, il a nous donné aussi le Saint-Esprit. To guide us into all the truth. Le Saint-Esprit. Oh, non so. Um uns in jegliche to reveal Wahrheit Christ to us. Zu einzuleiten, um uns Christus zu offenbaren. C'est ça, Jésus-Christ nous a donné le Saint-Esprit pour qu'il nous révèle Jésus-Christ. Somebody is asking, why not the world? Why to us? Amen. Jemand fragt hier, weshalb nicht der Welt, weshalb nur uns? Jude demande par exemple pourquoi le monde mais pas pourquoi nous mais pas le monde. Verse 23. Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Praise the Lord. Alleluia. You can see that salvation is personal. Ihr seht, dass Errettung was Persönliches ist. Verset 23, Jésus lui répond, si quelqu'un m'aime, il obéira à mes paroles. Mon Père l'aimera. Nous irons à lui et nous habiterons chez lui. Donc ici, ça montre que le salut est personnel. You know, parents cannot have it for you. Your parents cannot have your salvation for you. Deine Eltern können deine Rettung nicht für dich haben. Tes parents ne peuvent pas être sauvés pour toi. Personne peut être sauvé pour toi. Amen. Amen. You know, in the New Testament, you know, people, they were always going through Moses. Im Alten Testament sind sie immer durch Mose gegangen. Im Ancien Testament, les gens partaient toujours à travers de Moïse. You know, people are still doing it today. They want to go through pastors, prophets. Und so tun das viele Leute heutzutage immer noch. Sie gehen durch Pastoren oder Propheten. Même jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui partent vers les pasteurs ou les prophètes. There was a family, you know, the old family friend that was here some time ago. And I asked him, are you born again? He said, I go to church. Yes, I think so. Because I go to church, I will give money to pastor to be praying for me. And though I don't go all the time, they are having it for me. Can you see? Yes, in old, the old Moses was always here. But here Jesus is saying something different. Es gab mal einen alten Familienfreund von uns, der meinte, dass er schon meint oder denkt, wiedergeboren zu sein, weil er ab und zu zur Gemeinde geht und auch oft immer regelmäßig dem Pastor Geld gibt, damit der Pastor für ihn betet und sozusagen für ihn Beziehung mit Jesus hat. Aber das funktioniert halt nicht und das ist halt fast so ähnlich wie früher, dass die Leute immer durch Mose zu Gott gehen mussten und heutzutage wollen Leute das immer noch so machen. Un jour, j'ai demandé à une personne si elle est sauvée et elle m'a dit qu'elle n'est pas vraiment sûre, elle part à l'église, elle donne aussi l'argent au pasteur pour qu'il prie pour elle, mais elle ne part pas toujours à l'église, donc elle n'est pas sûre, mais elle pense qu'elle est sauvée parce qu'elle visite l'église parfois. He said that we will come unto him, we, God the Father, God the Son, God the Holy Ghost, we will come unto him. Amen. Amen. In us. Et Jésus nous dit aussi que le Père, le Saint-Esprit et le Fils qui est Jésus-Christ vont venir pour vivre en nous. They will make a home in you. Amen. That alone will help you to know you are never alone. Amen. Amen. Das zeigt dir, dass du niemals alleine wirst. Et ils vont s'habiter chez nous, donc ça veut dire que nous ne sommes jamais toutes seules. Remember, he said, I will be with you forever. Amen. Amen. It's the same thing here. Jesus Christ nous dit qu'il va être avec nous pour toujours. Praise the Lord. Alleluia. Verse 24. He that loveth me not, keepeth not my sayings. And the words which you hear is not mine, but the Father which sent me. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Because no one can separate me from the Father. Amen. Kann mich vom Vater trennen. Amen. Verset 24. La personne qui ne m'aime pas n'obéit pas à mes paroles. Ce que je vous dis maintenant ne vient pas de moi, mais cela vient du Père qui m'a envoyé. Ici, Jésus-Christ montre que personne ne peut le séparer du Père. Jesus talked about his commandment here. Jesus spricht über seine Gebote. Et Jésus parle de ses commandements. He's not talking about Moses' commandment. Es geht nicht um die Gebote von Mose. Et pas du commandement de Moïse. Praise the Lord. Amen. And you have to know what the commandment of Christ is. Und du sollst wissen, was die Gebote von Christus sind. Et tu dois connaître les commandements de Christ. Amen. Amen. Because his commandment is his character. Seine Gebote sind seine Natur. Parce que ses commandements sont son nature. His character, it means, you know, his character is, he never separates himself from his father. Amen. That is his character. Son caractère est que... And that should be your character. Amen. Und das sollte auch deine Natur sein. Son caractère est qu'il ne se sépare jamais de son père. Praise the Lord. Amen. Et ça doit aussi être notre caractère. Amen. Amen. His commandment is our character. We will go there and see what his commandment is. Amen. Amen. Et ses commandements sont aussi notre nature. Know his word. His word is our character. Sein Wort ist unsere Natur. Et sa parole c'est notre caractère, notre nature. It should be our character. Amen. Amen. Amen. He said, the word that I speak unto you, their spirit, their life. That should be our character. Amen. Amen. Jésus-Christ dit que la parole qu'il passe est la vie et l'esprit, donc ça doit être aussi notre nature. Know all he says. Amen. Amen. Amen. Qu'on lit ses paroles. Amen. Amen. Let us go to 1 John, please. 1 John 3. Esther Johannes 3. Praise the Lord. Alléluia. 1 Jean 3. 1 John 3. Verse 22 and 23. 22 and 23. And whatsoever we ask, we receive of him because we keep his commandments. Amen. Amen. His commandments is different from Moses' commandments. Sein Gebot ist anders als das Gebot von Mose. And people follow, you know, they follow Moses' commandment today. It's all about the commandment of Moses. 1 Jean 3, verset 22. Et nous recevons de lui tout ce que nous demandons. Pourquoi? Parce que nous obéissons à ses commandements et nous faisons ce qu'il lui plaît. Ici, on doit comprendre qu'il y a une différence entre les commandements de Jésus-Christ et les commandements de Moïse. Mais les gens préfèrent les commandements de Moïse. You know, here in verse 22, it says how to receive from him. Iman from Iman faint. Donc, verset 22, on peut voir comment on peut recevoir de Jésus-Christ. Amen. Amen. How to bring, you know, what you have in the spirit into the physical world. Das, was im Geist in die physische Welt bringen. You already have them, but in your spirit. But they have to come out. Verset 22 nous montre comment on peut tirer ce que dans le monde spirituel, dans le monde naturel. Look at it. He said, whatsoever we ask, we receive of him, because the reason why we receive, because we keep his commandments. Amen. Amen. Der Grund, weshalb are you getting it? Verset 22, et nous recevons de lui tout ce que nous demandons. Pourquoi? Parce que nous obéissons à ses commandements. How to bring your, what you have in your spirit, you know, into the physical world. Christ in your spirit outside. That the people, the whole world, you see it. Damit die Welt es sieht. Amen. Par obéir les commandements de Jésus-Christ, nous recevons tout ce qui est dans le monde spirituel, dans le monde naturel, pour que tout le monde aussi le voit. He said, because we keep his commandments and do those things that are pleasing in his sight. Parce que nous obéissons à ses commandements et nous faisons ce qui lui plaît. And he now help us to get what his commandment really is. Was seine Gebote wirklich sind. Et Jésus-Christ veut qu'on comprenne ses commandements. He said, this is his commandment, that we should believe on the name of his son, Jesus Christ, and love one another as he gave us commandment. Amen. Amen. Verset 23, voici ce que Dieu commande. Nous devons croire au nom de Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres, comme le Christ l'a commandé. You know, here sounds simple, but it is impossible to live without Christ. Ohne Jesus, it sounds simple. Kannst du das nicht leben? To believe him, is it not to believe him? How many can believe when it seems nothing is working? Wie viele Leute können glauben, wenn es so aussieht, ob es Si tu lis par exemple ces versets, si tu penses ah c'est trop facile, je peux croire à Jésus-Christ et je peux aussi aimer mes frères et sœurs, mais combien peut par exemple croire au nom de Jésus-Christ? How many can believe that they are healed when the problem, when going to the doctor, the doctor is saying it's getting bigger and bigger? Wie viele Leute können glauben, wenn der Arzt sagt, it's getting worse, dass das Problem schlimmer und schlimmer wird? Combien peut aussi croire qu'ils sont déjà guéris si pas, par exemple, chez le docteur et le docteur lui dit que ta maladie devient de plus en plus grave. You know, it sounds simple, but it's not. Without Christ, it's impossible to live. Es hört sich einfach an, aber es ist unmöglich, das zu leben, was er hier sagt. Es semble facile, mais sans Jésus-Christ, c'est impossible de vivre cette vie. to be thrown into a prison for saying for having relationship with Christ. Gefängnisgehen für Jesus. Être enfermé dans la prison parce que tu as une relation avec Jésus-Christ. Amen. Amen. To be thrown into a fire because of Jesus. And who knows, as if it's not even there. Can you still believe when the fire is so hot? It's fire. And you can see his burning people. Can you still believe? Ins Feuer geworfen werden wegen Jesus, wirst du dann immer noch glauben können. Und du siehst Leute, die vor dir reingeschmissen werden, wirklich brennen. Est-ce que tu es capable de croire à Jésus-Christ si, par exemple, on veut te brûler pour ta foi? Si tu vois le feu, est-ce que tu vas continuer à croire? That is why believing him should be our character. Amen. Deswegen, ihm zu glauben, sollte unsere Natur sein. C'est ça, croire au nom de Jésus-Christ doit être notre nature. That you are unshakable, that nothing can, nothing can make you down. Amen. Das nicht, sich zum Zweifel. If somebody gets Amen. In. Amen. Amen. Amen. C'est important que rien peut te faire bouger ou douter le nom de Jésus. You know Daniel. You know the three Hebrew boys. No matter what, we are ready. Amen. Amen. Amen. Amen. You know we are not even facing the lions then. We are not facing fire, but facing government here in Deutschland is a problem. Und wir haben heutzutage noch nicht mal Feuer oder Löwen vor uns. Wir haben die Regierung vor uns und das macht uns schon genug Angst. Prenons l'exemple de Daniel et des trois hommes hébreux qui ont été enfermés soit aux prisons, bien qu'on a jeté dans le feu. Mais si on compare par exemple notre vie, notre vie n'a pas été au danger, mais ici aujourd'hui, le gouvernement, par exemple, nous fait déjà peur si on dit qu'on doit rentrer à la maison, mais qu'on ne peut pas se voir ici. You know, to be radical for Jesus, it means you are to hate your life. Radikal, you know what it is to hate Jesus your life. Sein, you hate everything and you hate your life. Dein Leben zu hassen. Être radical pour Jésus-Christ, ça veut dire que tu dois détester ta vie, tu dois... He said, if you seek to keep your life, you are going to lose it. If it is for you, it's not, I don't want them to arrest me. I don't want to, you know, it's it's not what you want. It's belief. It's allow it to be your character. Amen. That nothing can separate you from him. Amen. Is somebody getting something? Amen. Amen. Dass du deinen Charakter hast, dass es in der Natur ist, dass nichts dich von ihm trennen kann. Wenn es dir nur um das geht, was du nicht willst, was dir nicht passt, wirst du den Herrn verlieren. Si tu veux sauver ta propre vie, là tu vas le perdre. Si tu ne veux pas te soumettre à la volonté de Jésus-Christ, là tu vas perdre toute ta vie. Mais c'est très important de ne pas suivre ta propre volonté, mais la volonté et puis le principe de Jésus-Christ. You know, it's also said that we should believe on the name of the Son, Jesus Christ. Sounds so simple. But to live it. So einfach, aber zu leben. Les commandements de Jésus-Christ disent qu'on doit croire au nom de Jésus-Christ. Ça semble simple et facile, mais est-ce que c'est vraiment facile pour les enfants de Dieu? I thank God for the three Hebrew boys. Je danke Gott für die drei Hebrew. Et je remercie Dieu pour les trois hommes hébreux. I thank God for Daniel. Oder für Daniel. Même pour Daniel. You know, I thank God for those that are so radical for God. Für die Leute, die radikal waren für Gott, für den wahrhaftigen Gott. Pour tous ceux qui ont été radicaux pour le vrai Dieu Jésus. That before them is death. But they say no to death. Today, look at people. You are going to reap what you sow. Du wirst das ernten, was du siehst. Ich habe den Tag vergessen, den du am Anfang gesagt hast. Si on voit les caractères dans la Bible, ils ont été confrontés avec la mort, mais nous ne nous sommes pas confrontés avec la mort, mais on doute seulement du nom de Jésus-Christ. Mais on va aussi avoir ce qu'on s'aime. On va raconter ce qu'on s'aime. Praise the Lord. Hallelujah. He said that we should believe on the name of his son Jesus Christ. And love one another. We got kind of love. Mit Gottes Liebe einander lieben. Praise the Lord. Alleluia. It is his commandment. It is his principle. Ein Prinzip. Nous devons croire au nom de Jésus-Christ. Aber wir sollten auf das achten. Nous devons croire au nom de Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres. Ce sont ses commandements. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You might not like it. Vielleicht gefällt es dir nicht. Peut-être tu n'aimes pas ces paroles. But you believe. Du glaubst. Mais tu dois croire. It might take a long time, but you keep on believing. Es dauert vielleicht lange, aber du glaubst trotzdem. Peut-être ça prend aussi le temps, mais tu dois continuer à croire. If you look at Joseph, how old was he when he dreamt? When God revealed something to him. And when everything now come into manifestation, you can see the length of time, the years upon years. But he kept on believing without doubting. Though he passed through fire, he passed through prison. Are you getting it? Wenn wir uns Josef angucken, so eine lange Zeit ist vergangen vom Traum bis zur Manifestation, aber er hat dennoch geglaubt, ohne zu zweifeln. Prenons l'exemple de Joseph. Dieu lui a révélé qu'il sera un jour un grand homme, mais ça a pris beaucoup des années pour que cette révélation se manifeste. Mais il a été aussi en prison, il a été maltraité, mais il a continué à croire au nom de Dieu. Praise the Lord. Amen. The Lord is revealing His truth to us here. Der Herr offenbart uns hier seine Wahrheit. Et Dieu nous révèle aussi sa vérité. And these are His principles. Und das sind seine Prinzipien. Et ce sont ses principes. And we tell you know, people with religion want to use fasting to bypass it. Und einfach fasten, damit es halt sozusagen schneller geht. Et dans la religion, les gens veulent jeûner pour que la révélation de Dieu s'avance. Praise the Lord. Amen. Amen. You cannot change His commandment. Du kannst aber seine Gebote nicht ändern. Tu peux pas changer les commandements de Dieu. And if you see you can never obey it. Und wenn du dich selbst siehst, erst recht nicht. Et si tu vois toi-même, là, tu n'es même pas capable d'obéir les commandements de Dieu. Remember, he said you have to hate yourself. Du musst dich selbst hassen. Until you hate yourself, you keep on seeing you. Weil erst wenn du dich hast, wirst du auch dich selbst zu sehen. Et la parole de Dieu dit qu'on doit nous détester, on doit détester notre vie. Puis jusqu'à si on déteste notre vie, là, ça veut dire qu'on se soumet à la parole de Dieu. You know, if they control us now. Wenn sie uns jetzt kontrollieren würden. Si le gouvernement nous contrôle aujourd'hui. Amen. Amen. Daddy. No wonder I said you have to hate your life. Kein Wunder, dass er sagt, du musst dein Leben hassen. Amen. You know, if they control now, I don't know what is going to happen. But I know we have Christ. That's all I know. Si par exemple le gouvernement contrôle notre vie aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça va se passer, mais je sais que Jésus-Christ a notre vie dans ses mains. Ça veut dire aussi qu'on va vraiment détester notre vie pour qu'on n'ait pas de problème. I know that we are gathered in His name. Ich weiß, dass wir versammelt sind in seinem Namen. Je sais que nous sommes assemblés dans son nom. I know that we are two or three are gathered in his name, he is there. Ich weiß dort, wo zwei oder drei versammelt sind, in seinem Namen, da ist er. Je sais, là où deux ou trois personnes sont ensemble dans son nom, Jésus-Christ est aussi là. I know, and I know that, you know, anywhere we are, he's there with us. Ich weiß, egal wo wir sind, er ist mit uns. Et je sais, partout où nous sommes, Jésus-Christ est avec nous. Amen. Praise the Lord. Alléluia. We are not to be like them. Amen. They don't have character. On doit pas être comme le monde parce qu'ils ont pas le caractère de Christ. What they call character is evil before Christ. What this world call character. Was diese Weltnatur nennt, ist bösartig vor Christus. Parce que ce que le monde appelle good characters. Eine gute Natur. Ce que le monde appelle caractère ou bien nature, c'est faux devant Dieu, c'est mal devant Dieu. He said we are to love one another. Wir sollen einander lieben. Il dit qu'on doit nous aimer l'un de l'autre. Check yourself. Do you really? Do we really love one another? Do we? Prüfe dich selbst. Lieben wir einander wirklich? Et regarde maintenant ton cœur. Est-ce que tu aimes vraiment tes frères et sœurs? Amen. Mm. Prove yourself and repent. Amen. Amen. Prüfe dich selbst und and not prove yourself and condemn. Und nicht prüfe dich selbst. Are you getting it? Amen. Oui, contrôle ton cœur et demande-toi si tu aimes tes frères ou sœurs. Si ce n'est pas comme ça, là, tu dois changer tes pensées. Tu dois commencer à aimer tes frères et sœurs et pas te condamner. It's not prove the spirit in them. Prove the spirit in them. Prove also the spirit in you. Es geht nicht nur um den Geist, der in ihnen ist, sondern prüfe auch den Geist, der in dir ist. Tu ne dois pas seulement juger l'esprit des autres, mais aussi juger aussi ton propre esprit. Praise the Lord. Amen. Without seeing Christ, we can never love one another. Und wenn wir Jesus nicht sehen, können wir uns niemals lieben. Et si on ne se concentre pas à Jésus-Christ, on ne peut pas nous aimer. You choose to love. You learn to love. Wir lernen zu lieben. Tu te choisis d'aimer, puis tu apprends d'aimer tes frères et sœurs. No one is born with Christ's love. Niemand ist geboren mit der Liebe. Into this natural world. Amen. Amen. Parce que personne est né avec l'amour de Jésus-Christ dans ce monde ici. Amen. Amen. You choose to love. You choose to love the love of Christ. Du entscheidest die Liebe von Jesus Christus zu lieben. Et tu dois choisir d'aimer tes frères et sœurs avec l'amour de Jésus Christ. You might not like it, but it is his principle. Huh? You know, it is a must. It is a command from Christ. To love. Peut-être que c'est difficile pour toi, mais tu dois le faire parce que c'est un commandement parmi les commandements de Christ. Amen. Amen. He said the elderly women should teach the young ones. He's not talking about those people. He's talking about those that are matured in Christ. Mm. Are you getting it? Et dans la Bible, on a écrit que les femmes âgées doivent montrer les autres jeunes femmes comment aimer ses frères et sœurs. Et ça montre qu'il ne s'agit pas de l'âge ou de quelque chose comme ça, mais de la maturité. As you keep on growing and growing and growing, there's a time, you know, time will come, that when others that are coming, you are the one, you will be there to help them to also grow. Es wird eine Zeit geben, wenn... You teach them to love. Amen. The love of Christ. Wenn du auch in der Reihe bist, Leuten beizubringen, wie man Christus liebt. Quand tu grandis de temps en temps, c'est aussi, tu seras aussi dans la position de montrer les autres comment aimer tes frères et sœurs. Praise the Lord. Amen. Go to Colossians 3. Colossians 3. Praise the Lord. Amen. From verse 14. Oh, let me say verse 13. Verset 13. I don't even know. Sometimes I want to even finish up. Amen. Let's start from verse 13. It says, forbearing one another, forgiving one another. If any man have quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Amen. Consider the old and the new, they are different. Amen. Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à un autre. Le Seigneur vous a pardonné. Agissez comme lui. Donc ici, ça montre que la vie ou bien le testament nouveau est différent par le covenant de Christ est différent avec le covenant de Moïse. That is why you don't go to your knees and start begging and start telling God, forgive me my sin, forgive me my sin. is thank you for forgiving me. Deswegen, Amen. Can you see it here? Sag mir auch, was er dir vergeben hat. Dir zu vergeben, sondern du dankst ihm, dass er dich schon vergeben hat. Amen. C'est ça, quand tu as péché, tu ne pries pas Dieu, pardonne-moi, Dieu, pardonne-moi, mais tu demandes, tu dis à Dieu merci comme tu m'as pardonné parce qu'il ici on a écrit, il nous a déjà pardonné. And verse 14 said, above all these things, put on Christ, Christ's love, God kind of love, charity, amen? Amen. That's Christ himself, his love. Das, die Liebe put him von Christus, on. Ihn yeah. See Christ. Allow him to be your neighbor. Sehe Christus und lass zu, dass er dein Nächster ist. Verset 14, et surtout aimez-vous. L'amour est le lien qui unit parfaitement. Donc ici, ça montre que l'amour de Christ est plus important. Que l'amour de Christ, ça veut dire de se concentrer à Jésus-Christ et pas à l'homme. It's a which is the bond of perfectness. You know, the bond, what binds you together is Christ, it's his love, the kind of Christus. Love. Amen. I think, are you getting it? Mm. It means he's your neighbor. He's you are standing, he's there before any other person. Amen. He's the one, you know, he should be the one you see. Derjenige, den du immer siehst. If not, husband and wife, you judge her, the marriage is just like this, very short. Und ist die Ehe von Menschen sehr kurz. L'amour de Christ est le lien qui nous unit parfaitement. Donc ça montre aussi qu'on ne voit pas l'homme comme notre prochain, mais on voit Jésus-Christ comme notre prochain. Parce que si nous nous par exemple, si tu es marié, le mariage sera seulement pour un quelque temps parce que tu ne vas pas arriver à aimer ton prochain. Attends Jésus pour... our marriage. Thank you for our Ehe. Je remercie Dieu pour notre mariage. Thank Jesus for God's children marriage here in this ministry. Jesus Christ für die Ehe von den Kindern Gottes in dieser Gemeinde. Et je suis, je remercie Dieu pour le mariage des enfants de Dieu ici dans cette église. You know, some of us might even be saying, how will it be if I marry somebody else? I thank God that I did not marry somebody else. That should be for you also. Wenn ich jemand anderes geheiratet hätte, aber an sowas sollten wir gar nicht denken. Peut-être il y a quelqu'un qui se demande comment ça pouvait être si j'avais marié une autre personne, mais tu dois pas penser comme ça parce que tu dois être contente avec ce que Dieu t'a donné. The Bible says, what shall it profit a man if he gain the whole world and lose his soul? Amen. You marry somebody that is, you know, that you just admire, that will be butterfly in your stomach, that will be, you know, that you don't bet you go to hell. Mm-hmm. It's better you choose Christ. Amen. Listen to him. Are you getting it? Amen. Si par exemple, tu veux vaut mieux avoir une relation avec une personne que tu n'aimes pas vraiment au lieu d'avoir un mariage avec une personne que tu aimes, mais après tu vas être dans l'affaire enfer. Be grateful that he gave you that woman. Be grateful that he gave you that man. And you are having a relationship with Christ continuously. That's something, that you know, money cannot buy. No money can buy it. Are you getting it? Et c'est mieux d'avoir un mariage du Christ au lieu un mariage de ce monde ici. Verse 14 is very important. If you see it, it's, amen. It said, let the love, God, let Christ himself be the bond. Let it be what binds you together. Are you getting something? Et ça va être Jésus-Christ que vous, qui est votre lien. Alliance. Okay. Yeah. Amen. Mm-hmm. Is it not wonderful if it is Christ that brings you together? Ist es nicht wundervoll, wenn Jesus Christus einen zusammenbringt? Tellement bien si c'est Dieu qui vous met ensemble. Verse 15. And let the peace of God rule in your heart, to the which also you are called in one body, and be ye thankful. This is one of our principles, to be thankful. Das eine unser Prinzipien, dass wir dankbar sind. Amen. Merci. Verset 15. Que la paix du Christ dirige vos cœurs. Dieu vous a appelé à cette paix pour former un seul corps. Dites-lui toujours merci. Donc, oui, en principe, du Christ est aussi de dire merci à Dieu. Pour sentir, il y a Goto, Thessalonia, 1 Thessalonia 5. 1 Thessalonica 5. 1 Thessalonicien 5. Verset 10. 18. Verset 18. Amen. Amen. He said, in everything, give thanks. Look at 14 or 5. 1 Thessalonians 5:18. In everything. In Adam. In nothing. You know, if you can make it or if you can sharp it or not. That is for if it work or not. If you are still sick or not. If it's getting worse or not. Give thanks. Amen. Amen. Verset 18, remerciez Dieu en toute occasion. C'est ce qu'il attend de vous qui êtes unis au Christ Jésus. Donc ici, ça montre qu'on doit être, oui, on doit remercier Dieu pour chaque occasion, même si nous sommes malades, même si rien ne marche, on doit dire toujours merci à Dieu. If there's manifestation or not, give thanks. Ob es eine Manifestation gibt oder nicht. It should be your character, please. Das soll deine Natur sein. Même s'il y a la manifestation ou pas, on doit dire merci à Dieu. Amen. Amen. In everything, give thanks. Mm. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Amen. Are you getting it? Amen. Amen. Amen. Dire merci à Jésus-Christ, c'est la volonté de Dieu. You know, everybody. You know, people can give thanks when things are working. How many can say praise the Lord when the pain is still there? Mm. And it's, you know, it's so heavy. Mm. Jeder kann Dank sagen, geben, wenn alles gut läuft. Wer kann sich im Herrn erfreuen, wenn nichts läuft? Tout le monde peut remercier Dieu si tout marche bien, si tout va bien, mais si tu as des problèmes aussi, les gens ont des problèmes, combien de gens peuvent continuer à remercier le Dieu? Praise the Lord. Alleluia. Allow Christ to become your character. Amen. Laisse-tu, dass Christus deine Natur ist. Amen. Amen. Be rooted in it, please. Amen. Amen. Allow the world to know you by Christ. Lass zu, dass die Welt dich durch Jesus kennen. And be proud of it. Amen. Amen. Amen. Be proud of it. I was proud of my old life when I was there. Amen. Maybe on Sunday I will talk more about it. Amen. Ich war stolz auf meine alte Natur. Christ doit être notre nature et caractère parce que et nous devons aussi être fiers de Christ parce que dans ma vie ancienne j'ai été vraiment fière de ma vie de mon caractère de ma nature mais c'était pas la volonté de Dieu et je vais parler aussi de ça. Le dimanche. Amen. Amen. He said, let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom, teaching and admonishing one another, in psalms, in hymns. You know, this should be your character. Das sollte dein Charakter sein. That somebody coming to you will know that he's coming to Christ. Amen. Wenn jemand zu dir kommt, weiß, dass er zu Christus kommt. Ton caractère doit être que si les gens viennent chez toi, ils savent qu'ils viennent chez Jésus-Christ. That they never call your name without saying Jesus. Dass sie deinen Namen nicht rufen, ohne Jesus zu erwähnen. Qu'ils n'appellent pas ton nom sans appeler aussi directement le nom de Jésus-Christ. In singing grace in your heart to the Lord. And whatsoever you do in words or deeds, do all in the name of the Lord Jesus. Give the thanks to God and the Father by Him. Praise the Lord. Amen. Colossiens 3, verset 17. Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus en remerciant par lui Dieu le Père. Praise the Lord. Alleluia. You choose to love the love of Christ. Ihr entscheidet euch, die Liebe von Jesus Christus zu geben. Tu choisis d'aimer l'amour de Jésus-Christ. You learn it. Du lernst das. Et tu l'apprends. You keep on learning it. und lernst es weiter. Et tu continues. You might not like it, but you keep on learning it. Because that is who you are, the new life. Amen. Peut-être tu ne l'aimes, tu n'aimes pas l'amour de Dieu, mais tu continues à l'apprendre. It is the commandment from the Lord. Das Gebot des Herrn. That you love one another. Dass ihr einander liebt. Amen. Amen. And no one should break this principle. Amen. Niemand sollte dieses Gebot. If you violate it, you know. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Aimer les frères et sœurs, c'est un des commandements de Dieu, et nous devons tenir à ce commandement. One thing you are to know that is this love, this kind of love does not come by feeling. Und diese Liebe kommt nicht durch kein Gefühl. Et cet amour, ce n'est pas sentiment. You know, by seizure, it does not come. You know, you learn it. You've never not feeling anything, but you just love. Gottes Liebe ist kein Gefühl, es ist eine Entscheidung. You are still having pain, but you believe. Are you getting it? Du hast Schmerz und glaubst dennoch. L'amour de Dieu, ce n'est pas un sentiment, mais c'est une décision. Et même si tu es malade, tu continues à croire à Dieu. Be thankful. Just be thankful to the Lord. Amen. Sei dankbar. That you belong, you are His son. Sei dem Herrn dankbar, dass du sein Sohn bist. Amen. Amen. Tu fais partie à la famille de Dieu. He's so grateful. He's so great to know that anytime He comes, you are with Him. Es ist gut zu wissen, dass wenn egal wann kommt, du bist bei ihm. Oh, Daddy, thank you. C'est vraiment magnifique de savoir si Jésus-Christ vient maintenant, tu vas faire partie de sa famille. Stop bothering yourself over irrelevant things. Hör auf, die Sorgen zu machen über unnötige Sachen. Arrête de te faire des soucis de choses qui ne sont pas importantes. You know what you are worried about? You know when Jesus just come now, if He just come now, all those things, you are not even there any longer. And you're that child that you are so worried. You know it's giving you headache. The prince has saved this job. We without doing it, nothing can. What is it? He says, "Save the meat that never perish." Suche nach der unvergänglichen Speise. Si Jésus-Christ vient maintenant, tous tes soucis ne sont plus importants en fait. Et c'est ça, Jésus-Christ nous dit aussi de choisir le chemin de Dieu et puis de manger aussi son pain, qui n'est pas vanité. What kind of love is not controlled by five senses? Gottes Liebe wird nicht durch die fünf Sinne kontrolliert. L'amour de Dieu n'est pas contrôlé par les cinq sens. That's why if you are not feeling anything for your wife, for your husband, it doesn't even matter. It's not to help you to know that this is God kind of love. Für deinen Ehepartner ist es egal, weil es wird dir auch zeigen, dass Gottes Liebe ist. Is somebody getting it? Par exemple, si tu n'as pas des sentiments pour ton mari ou pour ta femme, ça fait rien parce que c'est ça l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu est basé sur Christ. Are you, is somebody understanding something? Amen. You know that you are not feeling anything. That it should help you. It's for you and not against you. It should help you to know that this is God kind of love. Thank you, Daddy. Das zeigt dir, dass es Gottes Liebe ist. That I'm loving your love. Dass ich mit deiner Liebe liebe. Amen. Même si tu n'as pas les sentiments pour ton mari ou pour ta femme, remercie seulement Dieu parce que tu comprends que c'est l'amour de Dieu qui règne dans votre vie. People want to marry somebody they have feelings for. Menschen wollen die Leute heiraten, mit denen, bei denen sie Gefühle haben, aber ich habe Mitleid mit dir. Le monde veut toujours marier les autres qui ou bien une personne où ils ont des sentiments, mais là, c'est vraiment la mort. Christ is not going to look at your feelings. Christus wird nicht auf deine Gefühle kommen. The love, his own love. Er wird auf seine Liebe. He walk by his own love. Er arbeitet mit seiner Liebe, nicht mit der Liebe dieser Welt. I don't know if somebody's getting it. Parce que dans le monde du Christ, l'amour de Dieu est parasé du sentiment. Donc Jésus-Christ ne va pas te demander de voir tes sentiments, mais va voir son amour. Again, God kind of love is not controlled by five senses. And that is why it is unconditional love. Und weil diese Liebe nicht auf fünf Sinnen beruht, ist sie bedingungslos. L'amour de Dieu n'est pas basé aux cinq sens. Donc, ça montre aussi que l'amour de Dieu est inconditionnel. And that's why there's feeling, there's no feeling, cannot control it. Deswegen kann keine Gefühle es nicht kontrollieren. Ça veut dire aussi que même si tu as des sentiments ou pas, ça ne contrôle pas ton amour. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Fake love is controlled by five senses. Aber eine falsche Liebe wird von fünf Sinnen kontrolliert. Mais l'amour faux est contrôlé par les cinq sens. By what you see, what you hear, what you feel, what you smell, what you taste. Until you taste alcohol, you are not in love. Erst wenn du Alkohol steckst, bist du dann verliebt. Praise the Lord. L'amour du monde est contrôlé par ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu goûtes. Et si tu goûtes par exemple l'alcool, là, tu n'as plus l'amour pour cette personne. Amen. Before you know, you are no longer having feeling. Because we don't thank God that there is no feeling. Because Christ's law, you know, that will help you to know that you are in the right position where the Lord wants you to be. Das sagt dir, dass du in are you getting it? You should be thankful. Praise the Lord. Alleluia. Même si tu n'as plus de sentiments pour ton mari ou pour ta femme, remercie Dieu parce que tu es là où Dieu voulait que tu sois. Christ's love is permanent. Liebe von Christus ist beständig. Et l'amour de Dieu est pour toujours. You know, praise the Lord. Hallelujah. Is it not wonderful that you and your husband, you and your wife, you are so sure that, you know, after here you continue to be together. Ist das nicht gut zu wissen, dass mit deinem Ehepartner nach diesem Leben seid ihr auch im Is there anything greater than that? Im Himmel zusammen. You have to be grateful. Amen. C'est vraiment bien d'avoir un mari ou bien une femme où tu sais que tu vas continuer avec lui même après cette vie-ci, où tu vas voir la vie éternelle avec. Christ's love is permanent. Nothing can change it. Amen. Die Liebe von Christus ist beständig. Niemand und nichts kann das ändern. Et l'amour de Dieu est permanent et rien ne peut le changer. Five senses control the love of this world. Aber die fünf Sinne kontrollieren die Liebe dieser Welt. Et les cinq sens contrôlent l'amour de ce monde. But Christ's love. Et la Liebe von Christus. L'amour de Christ. Remember, for God so loved the world. It's not because the world is good to him. Nicht weil die Welt gut ist zu ihm. But he loved it. Aber er hat sie dennoch geliebt. Rappelle-toi où on a écrit dans Jean 3, verset 16, que Dieu a aimé le monde, mais il n'a pas aimé le monde parce que le monde a été bien envers Dieu. And for God so loved the world is permanent. It's not going to say tomorrow I don't love you any longer. Und diese Liebe ist immer. Because it's not based on you are good or you are not good. Amen. Darauf, ob du gut bist oder nicht. L'amour de Dieu pour toujours parce que ce n'est pas basé de toi. C'est pas important si tu es bien ou pas. He did not love the world because the world is good. The people they are good. Er hat die Welt nicht geliebt, weil die Leute gut sind. Dieu n'a pas aimé le monde à cause de sa bonté. He loved us in spite of who we are. Er liebt uns unabhängig von dem, was wir sind. Et il nous aime indépendant de notre comportement, de nos comportements. Amen. Amen. Amen. And that's why, you know, it's not about your deal. You know, that for God so loved the world. That is unconditional love. And he gave you Jesus. Und das hat er uns in Jesus gegeben. Dieu nous a donné un amour inconditionnel par Jésus-Christ. And that is the love he wants us to love one another. Und mit dieser Liebe sollen wir einander lieben. Et on doit nous aimer avec l'amour de Dieu. Amen. The unconditional love of Christ. Bedingungslose Liebe von Christus. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. And you don't pick and choose who to love. Und wir entscheiden nicht selbst, wen wir lieben. Et on ne peut pas choisir qui on va aimer. Amen. Praise the Lord. Amen. You don't see when anyone in your hate list, you don't have anybody in hate list. Was jemand auf deiner Hassliste? What do you mean by that? Hate list. hustlers, the Leute, die du hast. Somebody that provoke you, somebody that offend you, somebody that says something. You know somebody, so you know somebody that you hear that he said that says something bad against you, mm-hmm. and you are not, you know, so you are being offended because of it. Un enfant de Dieu, tu n'as pas un ennemi ou bien une liste où tu as des gens que tu détestes. You must love whoever he said you should love. Tu musst die Leute lieben, die er dir sagt zu lieben. Et tu dois aimer cette personne que Dieu t'a donné. It is a commandment and not a choice. Das ist ein Gebot und keine Option. C'est un commandement, pas une décision. Praise the Lord. Amen. Amen. He commanded us to love one another with his own love and not with the love of this world. Er hat uns geboten, uns mit, dass wir mit der Liebe von Jesus einander lieben und nicht mit der Liebe dieser Welt. Il nous a commandé que nous on doit nous aimer avec l'amour de Dieu, pas avec l'amour de ce monde. And it means you are to see him always. Und das heißt, dass wir ihn ständig sehen müssen. Et ça veut dire que tu dois le voir toujours. Again, you see him as your neighbor. Du siehst ihn als deinen Nächsten. Et tu vois Jésus-Christ comme ton prochain. In Isaiah 11, 5 to 10, talks about he should be your neighbor. Then you are able to be one. Until you see him. Da steht, dass er dein Nächster ist, so bist du auch in der Lage, ihn immer zu sehen. Amen. Amen. Even the unbelievers. Auch die Ungläubigen. Isaïe nous dit que c'est Jésus-Christ qui est notre proche, même les païens. Even the unbeliever, their neighbor is Christ and not man. Selbst die Ungläubigen, ihr Nächster ist Christus und nicht der Mensch. Même chez les païens, c'est Christ qui est le prochain, pas l'homme. And that is why on that day, the judgment day, God is not going to ask you, what did you do to your wife, to your husband, to your brothers and sisters? It's what did you do with me? Am Tag des Gerichts wird der Herr fragen, was hast du mit mir gemacht? Because those people did not die for you. I died for you. Though you did not believe me. You did not accept me. I died for you. Are you getting it? Pour cela, au jour du jugement, Dieu ne va pas demander pourquoi tu as maltraité ta femme ou bien tes enfants, tes camarades, mais il va demander pourquoi tu m'as rejeté parce que c'est moi qui a laissé sa vie pour toi. He's not going to ask about people. Oh, you know what people call sin today? He's going to ask about his son. Et au jour du jugement, Dieu ne va pas parler de péché, c'est que le monde va faire péché, mais il va parler de son fils. He said with believers and unbelievers, what did you do with my son? Are you getting it? Qu'est-ce que nous avons fait avec son fils, avec Jésus? It's not about somebody offending. Somebody did this. Somebody. Those people again did not die for you. Matthew 12. Amen. Amen. You know, Matthew 12, 31. Matthew 12, verse 31. It says, sin against the Holy Spirit. Sünde gegen den Heiligen Geist. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. It's a sin against the Holy Spirit. It's unpardonable sin. Die Sünde gegen den Heiligen Geist ist eine unverzeihliche Sünde. On a dit que le péché contre le Saint-Esprit est impardonnable. You know, sin against those people, or those people sin against you, there's forgiveness. I don't know if somebody's getting something here. Amen. Amen. Because, you know, it's your nature that you must offend one another. They, amen? It's your nature. Zu verletzen. Si tu pèches, par exemple, contre les gens, Dieu peut te pardonner parce que c'est dans la nature de l'homme de pécher contre les autres. Mais si tu pèches contre le Saint-Esprit, Dieu ne peut pas te pardonner. Sin against those people, there is forgiveness. But sin against the Sin against Christ, there is no forgiveness, said Jesus. Die Sünde gegen Menschen, da ist Vergebung. Die Sünde gegen den Heiligen Geist, da ist keine Vergebung. I'll quickly explain. Si tu pèches contre l'homme, Dieu va te pardonner, mais si tu pèches contre Jésus-Christ, on peut pas te pardonner. It is not your fault that you sin against them. Denn es ist nicht deine Schuld, dass du gegen sie sündigst. Et ce n'est pas ta faute que tu pèches contre les hommes. But my son paid for it. Did mein not Sohn believe him. Aber bezahlt. Yeah, somebody getting it. Parce mon fils a payé pour tes péchés, mais tu n'as pas cru à mon fils. But rejecting or ignoring Christ, that is the sin against the Holy Spirit. Are you getting it? Mais rejeter et ignorer Jésus-Christ, c'est ça le péché contre le Saint-Esprit. Because if you do not sin against the Holy Spirit, you will be saved. Wenn du nicht gegen den Heiligen Geist sündigst, wirst du errettet. Parce que si tu ne pèches pas contre le Saint-Esprit, tu seras sauvé. Amen. It is a pardonable sin, a sin against the Holy Spirit. Es ist eine unverzeihliche Sünde, eine Sünde gegen den Heiligen Geist. Et c'est impardonnable le péché contre le Saint-Esprit. You're rejecting salvation. Die Errettung zu verweigern. Amen. Is somebody getting something here? Et de rejeter aussi ton salut. It is peace with Christ and not peace with people. Es ist Frieden mit Christus, nicht Frieden mit Menschen. Et c'est la paix avec Jésus-Christ, pas la paix avec l'homme. If you have peace with Christ, there is no one you cannot have peace with. Amen. Wenn du Frieden mit Christus hast, kannst du mit jedem Frieden haben. Amen. Si tu as la paix avec Jésus-Christ, tu as la paix avec tout le monde. Christ is your neighbor. Christus that ist you have peace with. Mit dem du Frieden that you are to have peace with. Amen. Den Frieden schließen sollst. Parce que c'est le Christ qui est ton prochain que tu dois avoir la paix avec. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Amen. Please stop fighting one another. Hört bitte auf, einander zu bekämpfen. Arrêtez de vous combattre. You are violating your character. Du missachtest deine Natur. The character of Christ in your life. Den, the principle. Die Natur von Christus in deinem Leben. It means you don't have character. It das heißt, means you are not rooted in Christus. Du hast die Natur von Christus nicht. Du bist nicht verwurzelt in ihn. Combattant tes frères et sœurs, tu ignores ta nature et ça montre aussi que tu n'es pas forte dans ta relation avec Jésus-Christ. Mm. The true God children are the most dangerous people to fight with. Die Kinder Gottes sind die gefährlichsten Menschen, mit denen man sich anlegen kann. Et les enfants de Dieu sont les personnes très dangereuses. Amen. Pour discuter avec. To hate them is a problem. Sie zu hassen ist ein Problem. Et détester les enfants de Dieu. If you don't say it out, to hate them in your heart and not even saying it, it's a problem. De détester tes frères et sœurs, c'est un problème parce que c'est dangereux. How much more saying it out at all? Amen. Auszusprechen. You know, in Matthew 18, he said, to offend one of these little ones, better you kill yourself. In you are not even born at steht, all. Wenn du ein von ihnen zum Anstoß wirst, ist besser, wenn du dir das Leben nimmst. Besser, wenn du noch nicht mal geboren wurdest. Après la parole de Dieu, on a écrit « Vaut mieux te tuer au lieu d'offendre les enfants de Dieu. » You know, we got children, if we are fighting one another, it's so dangerous. How much more father are fighting us? Mm-hmm. Are you getting something? We are able to pity them. Als Kinder Gottes sind uns gegenseitig bekämpfen, wie viel mehr, wenn Leute von außen das tun. Si, par exemple, on se combat parmi nous ici dans cette église, c'est déjà très dangereux. Mais si il y a des autres qui viennent de dehors, nous combat, c'est encore dangereux de plus. Praise the Lord. Amen. It's a Paul. Okay, so. I'm not Paul. Okay, not Paul. So. Why are you persecuting me? Why are you fighting me? Du bekämpfst mich. Because I'm the one you are fighting. Praise the Lord. Weil ich derjenige bin, den du bekämpfst. Oh, Daddy. Amen. Amen. Oh, is it time? Okay. Praise the Lord. Amen. Amen. Même Jésus-Christ a dit, Saul, pourquoi tu me combats? Or, il était en train de combattre les enfants de Dieu. A commandment is a principle. Und dann noch eine halbe Stunde, um Fragen zu klären. Okay, that is how you plan it, eh? Okay. Praise the Lord. A commandment is a principle. Ein Gebot ist ein Prinzip. Un commandement, c'est un principe. It is a law. Es ist ein Gesetz. C'est une loi. You cannot violate it. Du kannst es nicht missachten. Et tu peux pas l'ignorer. You can ignore it. You know, people ignore it. Du kannst es ignorieren. Tu peux l'ignorer. Amen. Amen. They hate it, but they cannot change it. Man kann es hassen, aber man kann es nicht verändern. Tu peux le détester, mais tu peux pas le changer. You know, 2 Corinthians 13:8. He said, you can do nothing against the truth, but for the truth. In 2. Korinther 8 lesen wir, dass wir nichts gegen die Wahrheit tun können, nur für die Wahrheit. Amen. Amen. Deuxième lettre aux Corinthiens nous montre qu'on peut faire rien contre la vérité, mais on perd seulement pour la vérité. You know, gravity is a principle. Gravity is a principle. La gravité est un principe. You know, you can fast and pray, fast and pray, fast. Do all night upon all night. If plane is flying up, jump out of it and know what gravity is. Und du kannst die ganze Zeit beten, wie du willst, aber wenn du aus you cannot break it. In der Luft steigst, wirst du fallen. Et tu peux prier comme tu veux, jeûner comme tu veux, mais si tu es dans l'avion, tu peux ouvrir la fenêtre pour sortir, pour sauter, mais la gravité va seulement rester le même. That is the principle of Christ. Das sind die Prinzipien von Christus. Et c'est ça le principe de Jésus-Christ. Amen. And he himself has to obey it. Und er selbst muss das befolgen. Et lui-même, il doit l'obéir. And that's why when we say, when he tells you, I love you, it means I love you. So when he says that he loves you, is that you can't trust him that he really loves you. Amen. You know the love of this world. When somebody tells you, I love you, you don't even know which side is going. You are saying, die Liebe dieser Welt, dass wenn jemand euch sagt, er liebt dich, du weißt gar nicht, wie er das meint, was das Motiv dahinter ist. Par exemple, Jésus Christ dit qu'il t'aime. Il t'aime aussi, puis c'est une loi parce qu'il est un Dieu qui ne peut pas mentir. Mais si un homme de ce monde dit qu'il t'aime, tu ne sais pas vraiment si il dit la vérité ou pas. And that's why he say I'm with you till the end. Amen. He really means it. Wenn er sagt, ich bin bei dir bis zum Ende, that's gravity. Amen. Schwerkraft. That you have to believe that he never disappoints. He will never leave you, will never forsake you. Er wird dich niemals verlassen. Don't be frustrated. Weil ich frustriere. Amen. Don't be depressed. For any reason at all. Wegen irgendeiner Sache. He keeps to his words. Amen. He keeps to his promises. Amen. Amen. Amen. Amen. We stop here, please. Amen. Amen. Amen. La même chose aussi, si Dieu dit qu'il va être avec toi pour toujours, c'est une loi que tu dois le croire aussi, parce qu'il ne peut pas mentir. Ça veut dire que tu dois arrêter d'être dépressé ou bien fatigué à cause de tous tes soucis. Praise the Lord. Alléluia. Praise Jesus. Alléluia.